Oui, le premier pas dans le matin, oui. Bon, tu vibres. Fait que là, il coupe, là, puis là, tu restes sur cette vibration-là, tu vois que tu n'as pas encore d'orgueil. Oui. Là, mais jusqu'à un certain niveau, c'est un point d'appui qu'on peut essayer. Quand je dis qu'on peut travailler sur un certain point d'appui, puis quand on a atteint ce point d'appui-là, par des circonstances, on nous fait réaliser qu'on entoure, ils vont nous donner peut-être un autre point d'appui. Ça, ils te manquent. C'est ça. Bon, puis éventuellement, ils vont te tester, là. Ils vont te donner, je ne sais pas, mais ils peuvent te donner de la voyance. Ils peuvent te donner de la voyance. Parce que la voyance, ça pourrait être le moins traumatique, si tu veux, où ils n'ont pas à enfreindre des lois trop. Puis là, tu vas voir que si tu as de la voyance, puis tu ne vibres pas. Ben, voyez-vous, un gars averti, comme vous dites, là, s'il voit de la voyance, moi, si je prends, là, on va dire, hey, j'en veux plus, ben non, je fais tout de suite une contre-réaction qui va être positive envers l'orgueil. Si je réalise, là, que ce qu'il me donne, c'est une absence pour ma poignée. C'est pas pour te poigner, c'est pour te faire réaliser jusqu'à quel point tu vibres encore. Ouais, pour faire me sensibiliser, me faire réaliser. Ouais. Mais ouais, mais faut pas retomber dans ça. Il te le donne sournoisement. Tu t'en attends pas, puis whoop, tu viens de dire quelque chose, puis whoop, ça se part. Fait que là, tu vibres, ça te donne des petites. Ouais, ça te donne un vrai. C'est subtil. C'est comme si on dit quelque chose, puis après l'avoir dit, on réalise qu'on ne savait pas, mais on l'a appris. On l'a dit. On l'a dit. Ouais, on l'a dit. On réalise qu'on ne savait pas. Alors, ouais. On l'a dit, mais on l'a pris en même temps. Quand tu le dis, tu le dis. Quand tu n'apprends rien quand tu dis quelque chose, tu réalises que ce que tu dis, ça devient de l'apprentissage. Tu n'apprends rien, tu n'as plus de mémoire. Ah, tu sais, quand vous dites quelque chose, là, après ça, vous pensez que tu as dit. En fait, j'ai dit ça. Là, vous réalisez que vous avez appris quelque chose. Ah, OK. Parce que tu as une mémoire. Là, tu as un petit thread. Si tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas de thread. Tu sais pas si tu l'as regardé. Ah oui, évidemment, vous avez de la mémoire encore. Ah. Quand vous avez de la mémoire, vous avez un petit thread. Ah, ben oui, mais vous dites, c'est les premiers pas d'un enfant. Ah oui, mais vous explique. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est cool. Il dit qu'un homme ne peut pas voir la lumière qui est souillée dans l'ego. C'est anti-vibratoire. Il y a la chienne. Tu ne peux pas être souillé dans l'ego. Nous autres, quand ils nous contactent, pourquoi est-ce qu'ils se montent les lunettes? Parce qu'on est fusionnés. Fait que, ils te barrent l'émotion, puis ils te barrent le mental, puis ils te barrent le physique, ils te barrent tout partout. Fait que tu grouilles pas. Tu regardes, puis tu es gelé. Mais pour les voir dans un état naturel, il faut qu'on soit ajusté. Puis tout tourne autour de ça. Toute notre activité humaine tourne autour de ça. Notre expérience humaine est guérie à ça tout à l'heure. Tout ce que vous faites, quand même vous seriez plombier ou je sais pas moi, toute votre expérience sert à vous amener un jour à être totalement mental. Pour pouvoir les voir puis rentrer. Eux autres, ils appellent ça l'autre vie. C'est l'autre vie. C'est une autre vie. Puis effectivement, c'est une autre vie. C'est un autre plan. C'est une autre vie. Mais il dit, c'est une autre vie. C'est pas avec un autre plan, c'est un autre vie, parce que tu peux venir sur le plan matériel. C'est une autre vie. Ce que les gens appellent le paradis terrestre, c'est ça. C'est une autre vie. C'est... Ben oui, mais c'est pas de trouble, c'est rien. Il n'y a pas de trouble, c'est la perfection. Là, tu crées. Si tu veux matérialiser ce que tu crées, tu le matérialises, parce que ça sert aux hommes sur le plan matériel. Tu crées. Quand tu parles des règles, ça va. Moi, je dis que je rêve pas. Tu rêves, c'est parce que tu t'en rêves pas. Parce qu'il n'y a pas des rêves, parce que j'en ai jamais quitté. Toi, tu vas commencer à rêver. Ça prend une coupe d'années, là. Une coupe d'années, tu vas commencer à rêver. Être conscient, mais... Je suis content que vous me demandiez cette question-là. Vous êtes dominé tant que vous n'êtes pas fusionné. Ça dépend de la question. Tant que vous n'êtes pas fusionné, vous êtes dominé. Vous êtes dominé. Ils peuvent vous dominer pour le bien, mais ils vous dominent. Quand vous êtes fusionné à l'ajusteur de pensée, il n'y a plus de domination. Vous ne pouvez plus être dominé parce que vous êtes dans le savoir. C'est ton champ. C'est l'intelligence entre vous. N'importe quelle fusion. Plus vous vous conscientisez, plus vous fusionnez. Puis un jour, vous serez tous fusionnés. Quand vous passez le global, vous serez tous fusionnés. La fusion, c'est le contact entre l'ajusteur de pensée et l'âme. La fusion se fait avec l'âme. Plus vous grandissez en conscience, plus la fusion est grande. Si un jour vous devez passer à l'éthérique, bien, la fusion va être peut-être. Seulement, elle ne sera pas traumatique, dans le sens que ça ne sera pas un choc tout d'un coup. Un jour, vous faites fusionner. Fusionner, c'est pas aussi arrivé. Quand vous allez passer à l'éthérique, vous allez fusionner. Les gens disent, pourquoi tu ne parles pas des autoristes et de l'occultisme? Des fois, je parle des philosophistes, là, puis. Sacrement! Ça n'arrête plus! Ils ont plus de plans eux autres choses qu'il y en a de département chez Hilton. Non, je les vois de grands hommes, des dimensions. Il y en a un qui m'a demandé quel degré j'étais. Quel degré je suis? Regardez-moi la réponse qu'il me donne, je suis demandé. Quel degré je suis, moi? Il dit, fallons pas ton temps de tête. Mais il faut avoir contact avec eux autres. Tu peux pas être en contact avec le monde des esprits, ils vont t'en donner des degrés. Ils vont dire 13e, 12e, 16e. Pour te booster, pour te faire spiritualiser. Tu es en contact avec eux autres, ils vont te le dire comment c'est 9 degrés. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. J'en ai mal à la tête. C'est vrai que j'ai mal à la tête.